Et voilà, donc vous venez d'écouter. Fulgar, s'il te plaît, tu peux l'annoncer. C'était les Prodigy avec Firestarter, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, GG. Ah ouais, mais moi, c'était pas ce qui était annoncé, c'était en principe plus un remix de merde. Ah non, mais on l'a pas mis, parce qu'on a changé au dernier moment la prog. Ah ouais, ben, d'accord. Ok, donc vous êtes toujours sur Fun Radio, donc au standard, c'est Manu qui vous attend. Ouais. Donc au 0803 08 5000 et 0870 5000, à moins que le 0803 ne fonctionne, le 0800 ne fonctionne plus. Ils essayent les deux et puis ils verront bien. Hein. Ouais, voilà. Donc Manu vous attend toujours au standard. Rigaud toujours sur l'internet, prêt à répondre aux questions. Ouais. Donc, ouais, y a pas de problème. Et ben, Fuldar à l'AREA, en espérant qu'il va me faire du bon petit boulot comme le premier. J'espère. Donc, il y aura une surprise pour les auditeurs qu'on a l'habitude d'écouter Max le soir. Je vous dis pas quoi, parce que sinon, si on peut l'annoncer, Fuldar. Bah, je sais pas, c'est une surprise, je sais pas. Bah, si, bah, tu l'as, là, ça va être dédié pour toi, Sandy, ma chérie. Ça va être, fête ta fête. Relaxation, ouais, le pouvoir de la méditation. Mais non, c'est pas ça! La page 3. Mais non, c'est pas ça, là, tu l'as là, devant tes yeux. Je te chie dessus, Christo. Mais non, c'est pas ça, ça va être dédié pour Sandy, ça va être, fête ta fête. C'est ça? Voilà. C'est ça, la fête. Voilà. Ok, d'accord. Et comme elle l'adore, on va lui dédier malgré qu'elle puisse ça pas passer. Ça lui rappelle des souvenirs. Ouais, mais non, mais ça lui rappelle pas des souvenirs, non. Manu. Bah, je sais pas pourquoi elle l'aime bien. Bon, ouais, c'est pas le débat, hein, c'est pas le débat. Non, non, mais elle aime bien parce que depuis qu'elle l'a écouté, bon ben. Bah voyons, balance tout. Toi. Donc Gérard, on va peut-être commencer à accueillir les auditeurs parce qu'il est déjà 2h20. Hein. Donc, le deuxième débat, donc il est 2h18. Oui, c'est vrai, il faut qu'on avance. Donc, le deuxième débat porte sur les jeux vidéo. Et pour les jeux vidéo, on va accueillir Monica la Tégresse. Salut, 19 ans de Paris. On peut écouter Fun Radio sur 101.9 FM. Ouais, salut, Gégé. Donc, bonsoir à toi. Bulbule Gomme, 20 ans de Marseille. On peut écouter Fun Radio sur 103.fm. Salut Gérard, salut Fulbert, salut Manu, salut Mario. Lara Graft. Croft. Hein? Lara Croft. Ah bah moi j'ai Graft. Non, c'est Croft. Donc 21 ans de Maxéville, on peut écouter Fun Radio sur 95 FM. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fulbert et bonsoir Max. Et bah Max il est pour l'instant il est en train de préparer son petit. Ah, j'ai regardé Techno Max tout à l'heure. Ouais, bah c'est bien. Ah, bah au moins des. J'espère que tout le monde l'a regardé. Ouais, et l'auditeur suivant, c'est quoi? Donc, c'est Pierre Mario. C'est Lara Croft. Bonsoir. Super Mario, 19 ans de. Albertville. D'Albertville, on peut écouter Fun Radio sur 97.5 FM. Oui, Rigo. Non, je voulais juste dire à Super Mario que je suis fan. Ah, ok. Ah, merci. Pac-Man, 23 ans. Oui, bonsoir toute la populace. Salut. On peut écouter. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. Yes, c'est pareil. Ok. Et Sonic, 19 ans de Tokyo. Oui, j'appelle du Japon, j'ai un décalage, je vous écoute sur internet et il est 8h du matin à Tokyo. Ah, ok. Il fait beau, non? Non, il se plante un petit peu ce matin. Ah. Alors. Donc, que peut-on faire avec des jeux vidéo? On va demander ça à Monica la Tigresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer avec. Mmh. Ça serait déjà une bonne chose. En principe, des jeux vidéo. En principe, les jeux vidéo, c'est pour jouer avec. C'est pas pour se branler. On peut. Ça passe le temps, quoi. On se défoule dessus. Quand on a passé une journée de travail, on est stressé et tout. Et le soir, quand on rentre, une partie de Tekken. Ah, une partie de Tekken. Attends, une partie de Tekken. Non, mais là, vraiment trop con. Hein. Là, t'es vraiment trop conne. Hein. Ouais. Là, t'es vraiment une tigresse. Hein. Ouais, c'est une partie de Tekken, allez. Ouais, c'est bon, on va te coucher. Bulbul gum. Ouais, ça sert à se défouler quand les gens nous prennent la tête. Parce qu'on fait des petits Mortal Kombat, des choses comme ça. Voilà, tu peux répéter parce que là j'ai. Je te dis que ça sert à se défouler quand il y a des gens qui t'ont pris la tête. C'est un mortal combat. Non, mais celui qui a une... Il y en a un qui est en train de jouer aux jeux vidéo en plus, c'est pas cool. Hein. J'ai l'impression que c'est... Ça je reconnais ce... Celui-là, je l'ai pas, hein, je suis jaloux. Non, mais moi, je le reconnais parce que c'était la première fois que j'ai connu Max. Oh, ta gueule derrière! Tant du ressenti. Ouais. Oh non, oh oh, ouais, ben, on va demander à Laura Graff. Lara Croft. Voilà, ouais, je sais pas qui c'est qui m'a écrit ce nom-là, mais je prononce comme c'est marqué. Allez. Okay. Ouais, donc, normalement, c'est fait pour se défouler, mais aussi, si t'as la table qui est bancale, tu peux le mettre sous le pied. Ah, sous le pied ? Ouais, sous le pied de la table. Comme ça, ça te fait une table droite. Ah, une table droite ? Ouais, mais comment que tu peux jouer avec ? Bah, la boîte, la console, tu la mets dans ta PlayStation, et puis la boîte, tu la mets sous le pied. Ouais, d'accord. Attends, je regarde vite fait. Oui, il y a Oxy sur IRC qui te demande si c'est vrai que Sandy a fait des jeux vidéo quand elle joue avec ton joystick et que toi, en même temps, t'appuies sur tous ses boutons. Et c'est toujours game over. Alors, lui, je lui réponds même pas à la question. Ça vaudra plus. Ça ira plus vite. Super Mario. Et sinon, il y a Yankee qui te demande si t'es un adepte du kit vibrant dans le rectum. C'est clair. C'est la nouvelle manette de jeu, ça. C'est clair, ouais. Je réponds même pas à des questions pourrites sur l'internet parce que là. C'est pourrite. Tes questions, Rigo. Non, mais c'est pas les miennes, hein. Non, non, mais. Les gens de l'IRC posaient des questions qui mettent en valeur Rigo, quoi, merde. Qui ont un rapport. Poser des questions qui ont un rapport avec des jeux. Fildar, pour l'instant, tu t'écrases parce que. Allez, mortal débat, allez, on y va. Super Mario. Bah moi je pense que les jeux vidéo ça sert déjà pour se défouler, puis en plus on peut détendre surtout avec quoi. Comment? On peut se détendre avec. On se détend quoi le soir. Mmh. Parce que parfois c'est relou qu'on rentre le soir, on est bien vénère et tout. Alors on se détend, voilà. Et par exemple, si t'as pas de jeux vidéo, si t'as pas de PlayStation, tout ça c'est quoi? Pas de occupé. Bah je sais pas, tu te débrouilles, tu vas te coiter chez un pote, qui en a une. Ta femme. Comment? Tu tapes sur ta femme. Oh non, bah attends, voilà, qui c'est qui vient de dire ça? Alexis. Non mais dis ton nom, celle qui vient de dire ça. Il y a le courage de dire ton nom, mais... La pétasse là, qui vient de dire ça. Avec ta femme. Oh là là, putain, j'aime bien. Pas de fouille, hein. J'aime bien les salopes là, comme ça. C'est pas moi. Oh mais attends, c'est pas moi, c'est... C'est pas moi, c'est pas moi. Mais non, mais c'est jamais personne. Mais allez, arrêtez vos conneries là. Il y a que deux nanas, vous arrêtez vos conneries. Ah non, c'est pas moi. Il y en a trois. Moi, je suis respectueuse. Ouais. Pac-Am. Ouais, non, Pac-Man. Pac-Man. Écoute, une console, ça te sert, bah, par exemple, si t'es chômeur ou t'es étudiant et que tu sèches les cours, déjà, ça t'occupe. Et puis, deuxièmement, ça peut aussi te servir à mettre une branlée à Tekken 3 à des standardistes dans une radio, quoi. Ouais, bah alors Pac-Man, je vais te dire une chose, que si c'est pour me dire des conneries comme ça sur... Excuse-moi Gérard, j'ai une rectification à faire à des gars qui s'occupent de l'IRC et des branlés. Merci. Ah, bah, d'accord. Attends, Gérard, moi aussi j'ai internet, j'ai un message IRC, je peux te le lire? Non. Non, il n'y a pas de message à lire, hop, terminé. Ah, moi j'en ai un par contre. Ouais. Il y a Oxy qui dit qu'il y a un jeu où on est camionneur et on gagne des points en faisant des bouchons et les ennemis c'est des plaques de verglas, voilà. Ça s'appelle Super GG Bros. Ah bah lui je l'emmerde. Sonic. Oui en fait moi effectivement les jeux vidéo ça me servait avant quand c'était des cartouches à caler mes meubles. En fait j'avais une table qui était un peu bancale et je mettais les cartouches, mais maintenant avec les CD c'est galère. Donc j'ai décidé de me reconvertir en pirate, je grave des CD, je me fais de la thune avec. Oh, ça c'est interdit ça. Sonic. Attends, tu les vends combien tes disques? Sonic. Sonic. Sonic. Je suis intéressé. Terminé pour lui. Hop. Allô. Bon, Fulda. C'est pas moi, hein. Et là, ça... Manu, tu gères un peu, là. Bon, Manu, tout à... Voilà, on va voir que ça vient du standard. Hop, je coupe, je remets, je coupe, tu vois. Gérard, sur le PC, il y a Davy One qui te demande comment on fait pour graver un CD, justement. C'est avec un marteau et un burin. Ouais. Gagné. Bah, je peux peut-être répondre. Ouais. Doit-on être intelligent? Attends, moi je m'y connais, je peux peut-être répondre encore les deux. Allô? Donc doit-on être intelligent pour jouer aux jeux vidéo, c'est ça? Kuldar. Oui, j'ai répondu. Vincent, tu fermes ta gueule, c'est moi qui pose les questions. D'accord. Toi, t'es payé pour faire l'arrière. J'ai d'accord. Tu étais en train de faire la gueule, t'allais pas la poser, il a bien fait de la poser. Ouais, mais c'est pas lui. De toute manière, c'est moi qui pose les questions, c'est pas lui. Alors, doit-on être intelligent pour faire de la Game Boy ou autre? Gérard, t'as déjà joué? Comment la pétasse, là? Ouais. Y'a fil d'armement sur la tête. Non, la pétasse, là, qui vient de dire que je sais pas parler, tu peux dire ton nom, là? Bon, allez, abrège. Mais voilà, c'est la Game Boy, hein. Bon, allez, hop. Deux secondes, il y a une question Monica. Internet. Tu me prends quelqu'un d'autre, hein, parce que là. Gérard, il y a Chandler, le vrai, qui te demande si tu fais de la magie noire avec ta Vaudou 2. Non. Doit-on être intelligent pour faire de la. Oh, ça y est. Bon, ouais. Oh. Hé, Fulda. Hé, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Tes mains, tu les mets là. Gérard, t'as déjà la Game Boy? Hein, parce que là, c'est le Kevlar. Parce que là, tu t'amuses. Sauf cadeau. Tu vois que c'est pas lui, arrête de. C'est Gérard. Non, si, c'est lui. C'est les auditeurs. Bon, Manu. Ouais. Mais c'est bon, ils sont coupés là, on y va. Alors. Donc, on va demander à Monica la Tigresse. Ouais, moi, je pense que. Gérard. Ta gueule derrière pour un son. T'as déjà joué avec parler? Monica, réponds, vas-y. Ben, je réponds donc, moi je pense que oui, il faut être intelligent, hein, parce que ça demande de l'esprit et de la réflexion. Mmh. Et voilà quoi, quand même. Ouais, ok. Rajouter, quoi. Ok, bubblegum là. Bubblegum. Ouais. Bah non, moi je pense qu'un QI de 30 ça suffit, quoi. Faut juste appuyer sur deux boutons, donc c'est pas sorcier. Tout le monde peut le faire. Mmh. Question IRC. Ouais, il y a Yankee, le vrai, qui te demande si tu sais jouer à la console, toi. Non. Non, donc. Là, donc, faut bien être intelligent pour jouer à une console, alors. De toute manière, il y en a un qui est super intelligent parce qu'il a gagné à la coupe. Il s'appelle Manu. Merci. Ah, mais c'est parce que j'étais pas là. Sans préciser. J'étais pas là, c'est bon. Merci. J'étais pas là. Si j'étais là, c'est moi qui aurais gagné. La coupe de Tekken 3. Ah ouais? Bah si, j'étais pas là. Mais si, t'étais là. Bah ouais, ça s'est passé dans les studios. Me dis pas que t'étais pas là. Enfoiré. Mais ouais, t'étais là, Rigo. Voyons. Lara Croft. Ouais, Croft. Ouais, vas-y. Ouais, mais moi je pense qu'il faut pas être intelligent. Faut avoir le QI d'une mouche, tu peux jouer à ça. Hein. Et juste appuyer sur des boutons, quand même, pas de 110. Comment? C'est Monica qui parle, c'est pas moi. Ouais, bah alors Monica, tu t'écrases. Elle a rien dit, Monica. Si. Elle est pas à l'antenne. Je crois que c'est moi, peut-être. Laura Croix. Ouais, ça y est, j'ai répondu à la question, faut écouter. J'ai dit qu'en fait, il fallait avoir le cul d'une mouche pour jouer à ce jeu, c'est tout. D'accord. Pour appuyer sur les boutons. Super Mario. Moi je pense que ouais, parce que parfois il y a des notices, quoi, elles sont tellement énormes qu'il y en a, ils peuvent pas comprendre, quoi. Mm. Faut être intelligent pour toi? Bah, ça dépend pour qui, ouais. Des fois, la notice, elle est écrite en anglais, hein. Ouais, des fois, même elle est écrite en japonais, parfois. Hein. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour un con. Un con. Ah, mais non, c'est vrai, hein. Mais attends, le double sang, Fulda! Ah ouais, t'arrêtes. Et t'as marre, ça, c'est double sang, ça. Pose ta bouteille de coca, pas de marque. Putain, Fulda! Attends, moi j'ai un pote, il a pété un jeu, je peux te dire la notice, tu comprendras même pas, quoi. Non, mais là ça. Fildar, tu as pas continué comme ça. C'est pas lui. Bah attends, c'est pas lui, toi tu t'écrases, d'accord? Bon, on en était où, Gérard? Gérard, deux secondes, sur l'IRC, il y a Gorilla qui me demande de lui faire un big up. Bah un big up à. Big up à toi. Pac-Man. Ouais, bah c'est clair qu'il faut être intelligent et c'est vrai que les notices, Gérard, sont dans des langues étrangères. Moi, j'ai jeté Super Aziz Kart et c'est en turc et j'arrive pas à le lire. Ouais, c'est clair. Donc, je passe un message à l'antenne, s'il y a quelqu'un qui parle. Non, c'est bon, Pac-Man, hop, terminé, Sonic. Moi, je parle turc et japonais puisque je vis au Japon depuis 25 ans. Ah, bah voilà. Et puis, tu veux, bah vas-y, lis-moi le truc, je peux te le traduire si tu veux. Alors. What non, non, hop, hop, hop, tout, c'est de là, là, tout le monde. Mais ça se trouve, il y a des gens qui attendent. Ça marche, c'est comme un bourre, vous n'allez pas passer les messages. Je vous les répète, voilà. Manu. Arrête, c'est toi, t'es cool, quoi. Erf, la blé. Après, Erf, la way, il y a quoi? Erf. Ça y est, la bébé. Vas-y, Gérard. Alors, troisième question, non, on va faire les sondages. Il y a un petit sondage, ouais. Jouez-vous avec votre console. Alors, 50% n'ont pas de console. 20% n'ont pas répondu. Ils ont une console. Je donne des compléments au sondage. Ouais, bah, toi, pour l'instant, tu t'écrases, ok. Ouais, ouais. 25% ont oublié la question. Mmh. Et 5% des gens jouent des fois. D'accord. Alors. Combien de personnes ont déjà une console de jeux vidéo à la maison? Oui. Donc 60 personnes ne veulent pas répondre. 60% des personnes. Ouais, ben 60% moi ne veulent pas répondre, donc je voudrais bien savoir pourquoi. 10% ont une console, mais pas de jeux. C'est con. Mais ça, les jeux, c'est vrai que c'est pas donné. Ouais, mais comment tu fais si t'as une console mais que t'as pas de jeux? Ça sert à rien d'avoir une console. Bah, voilà, donc tu la revends. 20% pour t'acheter des jeux. N'ont pas réussi à la brancher. Pourtant, c'est pas compliqué à brancher sur une télé. Comment on fait, Gérard? Ben, c'est expliqué avec la notice, c'est pas marqué, c'est marqué dans toutes les langues. Ouais. Et 10% n'ont pas de manette. Ah. Alors ça, en principe, les jeux, c'est vendu avec les manettes. Ouais. Donc, je suis désolé. Ah, mais imagine, si le mec, il se fait piquer ses manettes. Non, mais est-ce attends. Que tu peux en racheter sans la console? Bien sûr. Ah bon, où? Tu vas dans les magasins qui sont spécialisés pour ça. Lesquels? Oui, il y a Arnett le vrai sur IRC qui te demande, il voulait savoir si c'est Sandy qui a fait le rôle de Donkey dans Donkey Kong. Arnett, je t'emmerde. Moi, je voulais juste te dire j'arrive. C'est tout. C'est ouais. Tout. À qui tu dis ça, toi? Hein? Non, mais à personne, je voulais juste dire j'arrive. Bon, Gérard, on continue là, non, c'est où? Quel est votre jeu préféré? Donc 50% ont aimé bien le jeu sur les routiers. C'est bizarre parce que je l'ai pas encore. Ouais ben ça. Non mais il est bien. Je l'ai vu aussi moi. Hop. C'est quoi la suite? Alors 20% préfère quoi? Non, il y a pas de 20%. Tu... Moi j'ai pas ce sondage donc. Alors vous aider. J'ai pas le sondage moi. Je sais pas. Alors, troisième question. Peut-on être une personne de jeu sur Nintendo? Si oui, pourquoi? Bon, alors. Mais quoi, Gérard? Il n'y a rien là, on attend. Non. Regarde, tous les micros ils sont éteints. Tu te fous de ma gueule, toi? Mais quoi? Toi, je sens que tu es en train de me foutre de la merde. Mais il n'y a pas de double son là, Gérard. Putain, c'est pas possible. Allume ton micro déjà, on t'entendra mieux. Hein. Voilà, merci. Donc répète la question. Alors peut-on? J'ai compris la question. Peut-on être un personnage de jeu Nintendo ou si oui, pourquoi? Ouais, Pac-Man. Non, moi je préfère Pac-Man. Ouais. Attends, alors... pour l'instant c'est moi qui demande aux gens. Après, s'il te plaît, j'ai Pac-Man. Monica. Oh là là, les canons pas Monica. Oui. Ben, ta question demande réflexion, GG. Hein. Eh ben, moi, je dirais non. Hein. Tu peux me dire, tu peux me préciser? Ben, moi, j'ai dit non, on ne peut pas être un personnage de jeu vidéo, quoi. C'est impossible. À part les jeux virtuels, je sais pas, moi. Je suis pas trop branché là-dessus. Hein. Mm-hmm. Ouais, Bubule. Bubulegum. Ouais, ben. Moi, je n'ai jamais apparu dans un jeu vidéo. D'ailleurs, je fais un appel. Non, il n'y a pas d'appel. Non, c'est pas la gaffe ici. Lara Croft. Ouais, c'est ça. Eh ben, Lara Croft de Tomb Raider. Lara Croft de Tomb Raider. Tu connais ce jeu-là, Gérard, ou pas? Non. De toute manière, je n'ai pas de jeu vidéo. Alors, comme ça va plus vite. Non, mais t'as déjà vu à la télé ce genre de jeu ou pas? Rigo. Non, mais. Non, mais réponds pas à mes questions, vas-y, Rigo. Ok, il y a. T'as vu Lara Croft? Il y a Shinobi sur l'IRC, le vrai Shinobi, excellent, qui te dit que Sega compte sortir un jeu sur la Dreamcast, la nouvelle console, qui s'appelle G-Generation Fight. Ouais, ben, j'y réponds même pas à lui. Super Mario. Que, ouais, on peut, mais bon, vu qu'à chaque fois, quand on joue, il y a plein de morts, ils doivent, ça doit coûter cher pour les figurants, quoi. Trouver des gens, ouais. Parce que je sais pas, genre les jeux comme Tomb Raider, quand on voit la meuf, elle fait, quand on voit Lara Croft, elle se fait tirer dessus, quoi, elle se fait bouffer par les loups et tout, t'imagines même pas, quoi, tous les figurants qu'ils vont utiliser, quoi. Pac-Man. Ouais, ben. Oh là, GG, tu m'entends? Manu. Manu, tu me fais du bon boulot. Bah oui, là, déjà, je peux juste te dire que Lara Croft est partie tout seul. Donc je rappelle quelqu'un. Ouais. Pac-Man. Ouais, ben déjà Lara Croft, elle a bien fait de partir parce qu'elle va bientôt être au chômage. Ouais. On parlait de Tomb Raider. Moi, j'ai des avant-premières sur Tomb Raider 4 et je sais qui c'est qui va jouer le rôle dans Tomb Raider 4. Ah. Et avec le poids qu'elle fait, moi, je te dis qu'elle va pas sauter très haut et elle risque pas de se hisser sur le bord des corniches. Je sais pas ce que je veux dire. Tu vois pas qui c'est. Au lieu d'avoir une grosse note derrière, elle a plein de petites presses. Pac-Man. Oui. Pac-Man. Mais je peux pas dire son nom, c'est une avant-première. Pac-Man, au revoir. C'est pas secret. Au revoir. Pac-Man. Jean, sur IRC, il y a Davy One qui te demande si tu sais jouer à la dictée magique. Non. Appuie sur la cage rouge, écris vagin. Tu connais pas? Ouais, attends. C'est bien ce jeu-là, moi j'ai déjà essayé de jouer, mais j'ai pas trop compris, mais c'est bien. Manu. Ouais. On dit au revoir à Pac-Man. Oui, ça y est, je l'ai viré, je vais rappeler des gens. Sonic. Moi, je veux dire qu'en fait, oui, à mon avis, on pourrait parler dans un jeu vidéo. D'ailleurs, je voudrais te citer à ce jeu-là, un dernier jeu vidéo qui est sorti sur PC. C'est une simulation virtuelle de soirée dans les chaînes de la loco. Bah alors toi, c'est terminé pour toi. Au revoir aussi. Au revoir aussi. Salut. Au revoir. Alors, Gérard, à la place de Lara Croft, on accueille Paul Phoenix. Bonsoir. Salut Paul Phoenix. Salut. Salut. Et à la place de Pac-Man, on accueille Fantôme Glouton. Salut à tous. Salut. Manu. Oui. J'espère que c'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes, c'était une meuf, t'as un mec. Ouais, non, mais ça se trouve, c'est la meuf qui te met un bon mec, hein. Pac-Man, c'était pas. C'était ah, bah non, pas mais bon, pour l'instant, j'ai pas de fille, standard. Ah ouais, mais t'as pas de fille. Bien sûr, vous prenez aucune des 24 lignes. Putain, Manu, t'es naze. Ça fait une heure que j'appelle. Ouais, ça fait une heure que le mec il appelle. Ça fait une heure que j'attends, j'ai galéré. C'est des restaurants chinois, la feuille de numéro que t'as pris. Ouais, des restaurants. Des restaurants chinois, ouais. C'est pas grave, Gérard, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, enfin. Bon. Allez Gérard, la question là, il est déjà 3h moins 20 là. Ouais, bah, tu vas poser la question, on va mettre un disque. Alors, troisième... troisième. C'est tout? Non. Ah non. Quatrième. D'après vous, jouer à un jeu vidéo est-il réservé à un haut garçon? Celui qui s'énerve derrière va fermer sa gueule. Merci. Ouais, je vais fermer ma gueule, ouais. Ouais. Vas-y, et continue. Donc, on se met... Ah, on se met le petit cadeau. Ouais. Dédié pour Sandy. C'est ça la fête. Et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000-0800-70-5000 et toujours l'IRCWW.fr. Et vous êtes toujours sur Fun Radio, il est 2h39. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter pour faire plaisir à Sandy, pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter Max, le Star System le soir. On vient de vous mettre Faites la fête. Et donc, vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc, vous pouvez nous écouter sur 101.9 et il est 2h42. Donc, Manu vous attend toujours au 0803-08-5000. Excuse-moi Gérard, je te coupe. À la place de Sonic que tu as viré tout à l'heure, on accueille Zelda. Eh ben, tu me... Voilà. Ça te dérange de me faire une fiche? Ouais, ça me fait chier. Ça te fait chier? Ouais, bah tu me demandes, je te le dis. Ça te fait chier? Ben, pas moi. Et si t'as envie de chier, c'est 250 grammes. Je sais où c'est. Hein? Tu connais les toilettes de Fun Radio? Ouais. Bon. Oui, Rigo? Non, je voulais juste dire à Zelda que je suis fan. Ah, ok. Alors donc, vous venez d'écouter Faites la fête, et puis vous êtes toujours sur Fun Radio, donc 2h43 du matin, donc Manu vous attend au standard au 0803-08-5000. Tu l'as déjà dit ça, Gérard, hein. Et bien sûr, vous êtes toujours dans les débats de Gérard du jeudi soir, disons on est vendredi, donc le débat ça porte sur les jeux vidéo, et on récupère Monica la Tigresse. Salut GG. Rebonsoir à toi. Ouais. Bubblegum. Salut. Poule. Paul Phoenix. Paul Phoenix. Ouais, excuse-moi, merci, excuse-moi, j'étais en train de me faire une partie de Super Bulldog Mister 3. Ouais, ben, Super Bulldog Mister 3, il t'emmerde. Attends, je suis contre le son de dinosaure, là, ça va être chaud. Ouais, ben, son de dinosaure, tu dégages, ok, hop, terminé pour lui. Ça va être trop vite. Là, ben, lui, lui ça a été plus vite que... Et la lumière. Il faut qu'il prenne les proutes magiques là pour dégommer son dinosaure. Ouais, ben bah, son dinosaure pour l'instant tu laisses. Elle est en train de nous enregistrer là, la pauvre. Ah bon? Ouais. Elle pourrait un peu. C'est quoi la grosse débout, espèce de pédiaste là? Ouais, ouais. Ouais, elle remue pas trop. T'as encore une place pour elle? Ah non, hein. Oh, si, il y a plus de place, là. À la place de Paul Romix. Non, j'ai... Bah ouais, mais bien sûr, on va dégager quelqu'un d'intéressant pour quelqu'un de... Ouais, et alors? Je vais te dire un truc, c'est que tu nous as saoulé toute la journée pour pas avoir d'habituel, alors il y a pas moyen. Ouais, bah attends, on a bien eu Tony au premier débat. Ouais, mais c'est fait jarter. Ouais, bah tiens. T'es pas encore là, toi? Ben non, c'est pas Tony. Oh, c'était pas Tony, ça. Ouais. Super Mario. T'es fou, toi. Oh, tu vois, quand je demande les noms, vous répondez ou pas? Bon, d'accord. Super Mario. Ouais. T'es là? Ouais. T'as répondu? Ouais. Ouais, ben... Bon, d'accord. Attends. Fantôme Glouton. Ouais, il est violent, ouais. Super Mario. Ouais, je suis là. Yeah. Putain. Oh, elle est grosse sanglée. Elle est grosse sanglée, attendez à toi, salope. Oh là là. Ah, mais elle est grosse, celle-là, là. Il y a une savonnette cachée derrière l'arbre pour le son de dinosaure. La savonnette avec le tampon vert. Attends, c'est pas moi standard, hein. C'est toi qui gères, Manu, hein. Merci. Merci, Manu. Fantôme Glouton. Eh, je suis là. Fantôme. Oui, fais gaffe, les crotons de chic attaque. Bon, alors tu dégages, toi. Hop, terminé. C'est pas moi. C'était pas lui, c'était Zelda, je l'ai dégagé. C'est pas moi. Et hop. Zelda. Non, je viens de te dire que c'était lui qui avait dit ça et qu'on garde Fantôme Glouton et qu'on dégage Zelda. Okay. Alors, quatrième question parce que on va faire vite là. Mm. Alors, d'après vous, les jeux, d'après vous, jouer à un jeu vidéo est-il réservé aux garçons? On va demander ça à Monica. Non. C'est autant réservé aux filles qu'aux garçons, je suis désolée. Et voilà quoi. Je vois pas pourquoi ce serait réservé qu'aux garçons après tout. Ouais, de toute manière, il y a plusieurs parties. Hein. Rigo. Oui, sur IRC, il y a Sardine qui te demande comment on fera pour compter les points en euros sur les consoles. Ça, je sais pas. C'est n'importe quoi, Rigo. Par contre. Oh, la salope là qui arrive comme une pute là. Arrête d'être vulgaire, Gérard, ça sert à rien. Ouais, ben, toi, tu peux mieux te faire ton boulot. Ah, oui, il y a pas. Manu! Pas aimanté sur moi? On peut rien faire, on peut pas faire un débat potable avec toi, Manu. Non, mais je pense que ça va aller vite fait. Rigo, on est combien là sur l'IRC? Bah, on a perdu quand t'as gueulé un peu trop, on est à 3852. 3852? Bah, c'est pas terrible, hein. Tu notes pas? 3852. Allez, pas trop vite quand même. Eh bah, dis donc, et en plus, je me suis renseigné par quelqu'un. Comment? Tu vas les donner à Jean Denebert, les numéros? Non, mais je me suis renseigné par une personne qui peut avoir aussi Internet. Tatou, hein. Ouais. Sur son tatou. On peut avoir plus de 6000 personnes sur l'Internet. Mais ça dépend de l'appareil qu'on a. Et bien, c'est pas le thème du débat. Ok. Alors, Monica. Oui? C'est pas mon micro. On accueille, pardon, à la place de Zelda, on accueille, on accueille Link. Bonsoir. Pas facile tous les jours. Hein. Gérard, deux secondes. Link. Oui, bonsoir. Ouais, je suis fan. Ouais, je te remercie, je t'en demande aussi. C'est vraiment un fléau. Oui, mais moi, par rapport au. Ouais, je pense que. Oui, je suis les filles aussi, pop, jeux vidéo. Eh bonsoir quand même. Oui, bonsoir. Non mais ça t'arrive. Non mais comment tu veux que je me concentre avec tous les gens qui pèsent autour de moi? C'est vrai que c'est pas évident, Manu, tu pourras gérer un peu. Manu, surtout qu'il n'y a que lui au standard, tu peux venir regarder, donc il n'y a pas de soucis. Non mais c'est bien, là je crois que le deuxième débat il va être vite terminé. Donc maintenant, il y a personne qui parle, c'est un blanc, c'est n'importe quoi. Ça. Non, mais c'est n'importe quoi, Gérard, c'est vrai. Je t'écoute, Luc. Link. Mais moi, j'ai déjà répondu. Je t'ai dit que oui, les filles pouvaient effectivement jouer aux jeux vidéo. Il fallait qu'ils prennent les consoles roses et les mecs les consoles bleues. Parce qu'il y a des consoles pour filles et des consoles pour garçons. Ah des ouais. consoles avec manette vibrante, c'est plutôt pour les filles. Ah ouais. Ça, c'est une excellente idée. Super Mario. Cadeau à Noël. Bah, moi, je pense que ouais, mais ça dépend des jeux, quoi. Ouais, mais tu peux préciser ? Bah, les jeux trop violents, quoi, vaut mieux que ça s'arrête. Et vaut mieux laisser des quoi. Jeux de boys band aux filles. Ouais. Moi, je suis content. Moi, je suis voilà. Ok. Paul Phoenix. Ouais. Ouais, je suis encore là. J'ai vu que Manu m'a calmé au standard. Je voudrais que tu me répètes la question, s'il te plaît. Parce que j'ai pas pu entendre. Alors, d'après vous, un jeu vidéo est-il réservé aux garçons ? Je pense que oui. Parce que j'ai jamais vu de console rose ou quoi que ce soit. Si. Non. Bah, tu peux la reprendre. Hein. Ouais. Ok. Tu fais de peinture ou de la gouache. Tu repeintes ta console. Ouais, ok. Bubblegum. Ouais, bah moi j'ai un jeu vidéo, donc je joue avec. Ouais, j'ai une manette ergonomique et qui me permet de faire plein de solutions et plein de sauts périlleux en arrière. Mmh. Mmh. Monica. Oui. Oui, Brandy. Hein? Oui, Brandy. Oh, putain, il est chiant, ça. Ouais. Fan, hein. Vous laissez répondre les gens, s'il vous plaît, merci. Monica, tu réponds à la question. Quelle question ? J'ai déjà répondu, GG. Ah bon, bah alors, on va passer à la cinquième. Ah, fantôme glouton, j'ai pas répondu. Quoi, t'es encore là, toi ? Bah oui, c'est Zelda qu'on a dégagé tout à l'heure. Voilà, il y a Link, elle a fait. Oui, Gérard, il y a Yannick sur l'IRC qui te demande s'il existe des manettes de jeu pour gaucher. Merci, Rigo. Pour gaucher, alors ça, faudrait qu'on pose la question à un gaucher. Il y en a au Japon. Bon, il y en a au Japon. Manette est gaucher, non ? Non, du tout. Ah merde. Non, merde, ça c'est pas. Et ça. Toi aussi, si elle est tout bitrée, mais ça n'a rien à voir. Ou alors toi, tu t'écrases. Ouais, Gérard. Quoi ? Le fantôme glouton, je continue parce que je parlais quand Rigo m'a coupé. Bon, mais attends, pour l'instant, si Rigo il vous coupe, c'est parce qu'il y a des questions IRC qui sont plus importantes que vos conneries. IRC, c'est un véhicule prioritaire, je sais. Voilà. Ce que je veux dire, il y a des jeux pour les filles. Moi, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, elle joue aussi, ouais. J'ai une petite sœur et elle joue à Salope Fighting Beach 4. Ouais, C'est un jeu de combat pour filles, quoi. Il n'y a que des filles dedans. Tu me le viens, celui-là, Manu, tu me le viens. Ouais, hop. Donc, on lui. Pourquoi mais genre, il n'y a rien à dire. Rigo fait un meilleur boulot que toi. Pour vous jouer. Putain, le Game Boy, celui-là, s'il te plaît. Non, mais il est mort, là. Il a Game Over, vas-y, on y va. Game Over. Et pour vous, jouez-vous à la Game Boy ? Est-il un passe-temps ? On va demander à Monica. De quoi ? Jouez-vous à la Game Boy ? Est-il un passe-temps ? Bah oui, je pense que oui. Bah tu peux préciser ? Bah oui, c'est un passe-temps. Un jeu vidéo est un passe-temps. Non, mais tu peux préciser ? Bah préciser comment, GG ? Précise ton nom. Non, mais tu précises. Ton nom. Ton nom ? Ton numéro de téléphone, ton adresse, ta carte de crédit. Toi, tu fermes ta gueule. Restauration avant. T'as dit un passe-temps ? Je crois plutôt que c'est un passe-montagne ou un passe-partout. Voilà, un passe-partout. Gérard ? Oui. Il y a Turpentine qui te demande si tu connais. Ouais, le débat, il a dit que Nintendo comme toi, Gérard. Okay, bon, lui, tu le dégages. Terminé. Mais vu que tu connais la Game Boy, est-ce que tu connais la Game Girl ? Non. Fulder, t'arrêtes, s'il te plaît, quand on parle. J'ai rien fait, GG. Donc, tu me disais quoi, Rigo ? Parce que. Je te demandais si tu connaissais, comme il y a la Game Boy pour les garçons, est-ce que tu connais la Game Girl ? Non. Non, pas du tout. Et pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi. Donc, Bubblegum. Ouais. Je trouve que c'est une perte de temps plutôt. Je préfère jouer avec mon Tamagotchi. Ah bah, c'est pas un jeu vidéo ça. Non mais attends. Tomatoshi là, c'est le truc. Les tomato chips là. C'est n'importe quoi. Ouais, ce que vous... C'est bien le Tamagotchi. Bah non, c'est bidon. Ah, ok. Moi, tu perds pas ton temps comme quand tu joues au Game Boy. Bah ouais, mais de toute manière, si t'as de l'argent à foutre là-dedans en l'air, tu peux, hein. Mais pas en l'air, je le mets dans mon Tamagotchi. Bah ouais, mais de toute manière, faut bien lui donner à bouffer à ton Tomatoshi. Bah oui, mais bon, ça coûte pas cher en bouffe, hein, Tamagotchi. Et quand il meurt, tu fais quoi ? Bah quand il meurt, je rachète un autre. Putain, ouais, okay. La thune dépensée, c'est n'importe quoi. Paul Phoenix. Sur IRC. Avec Rigo. Allô ? Ok, attends, Bubblegum ? Oui ? Tu veux retourner sur l'IRC ? Mais non, c'est une blague. Parce que sinon, il n'y a pas de problème. Non, mais elle l'a pas, IRC, comment elle fait chez elle ? Tu demandes à Manu, et puis c'est bon. Il t'en achète un. Il t'achète un Internet, Manu, tu demandes, il est sympa. Ah ouais, Manu, pas de problème. Hein, Gérard, il y a Ziwi qui te demande si tu connais la console Neo Geo. Non. Paul Phoenix. Ouais. Bah ouais, c'est un passe-temps. Je voudrais savoir si d'ailleurs toi aussi t'as un passe-temps. Si tu connais la Game Boy, mais est-ce que tu connais la Game Boy? La Game Boy. Non mais. Avec le jeu Super Pénétrator 4. Tu connais pas? Non. Tu, peux préciser, tu peux préciser le fond de ta pensée? T'en cul. Va te faire enculer, toi, salope. Voilà, salope. Et hop, terminé. Moi, tu me dis, 2h53, dans 7 minutes, j'arrête. Alors, ok, Michel. Super Mario. Moi, ouais, je pense que c'est un passe-temps, parce que franchement, quand on n'a rien à foutre, quoi, c'est bien agréable d'avoir un truc pour s'occuper, quoi. Ouais, t'as qu'à toucher la caquette, hein. Ouais, mais bon, ça c'est différent, quoi. C'est plus intime, quoi. Si tu touches un Game Boy, tu touches une paquette. Voilà. Ouais, Gérard. C'est pour ça que j'ai raté, quoi, à force, quoi. J'ai une info du vrai Yankee sur l'IRC. Le jeu de l'année, c'est Carmination sur la console Grippin. Carmination. On veut bien la info. Il est pas mal, ce jeu, en plus, je l'ai vu. Termination. Ouais. Il tue, quoi. Je crois que c'est le jeu numéro 1. Vous me foutez de la merde. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh là là là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête. Tu vas prendre le portable dans ta gueule, toi. Mais c'est oh la bête. On s'est pris une bouteille de coca. Oh là là. Oh yes. Gérard, on a dit pas de coca, pas de mal. Mawashigiri. Bon, tu reprends ton débat, là? Ouais, c'est Lucky. Lucky? Non, Lucky, il n'y a pas Link. Bah oui, c'est un passement. C'est pas un passement de jambes, ni un passage à niveau. C'est un passement, faut être clair. Faut pas se leurrer. Je veux dire, aujourd'hui, avec Game Boy, je crois que pour beaucoup de gens qui sont un peu désespérés, solitaires dans leur vie, je crois qu'on peut plus s'en passer dans nos sociétés modernes. Et je crois que la Game Boy, c'est un psychologiquement un véritable passement qui permet d'économiser la notre société, qui permet d'éviter l'explosion sociale. Un briquet, des clubs. Attendez, Moi j'entends. Ah ouais, mais c'est normal parce que comme on déménage dans peu de temps, il faut des essais techniques la nuit. Non, mais je continue pas de travailler comme ça. Donc je fais conclusion du débat et c'est tout. Écoutez. Ouais, voilà, ça recommence. Mais non, mais moi j'ai rien. C'est technique. Là c'est terminé, c'est terminé. Écoute. Mais moi j'entends rien. Hein. Ouais, bah bien sûr, il va pas te mettre cette espèce d'enfoiré. Mais je mets rien. Allez. Sur l'IRC, on me dit que le jeu de l'année en fait c'est sauver Findar 2. Non, mais. C'est quoi ça? Moi j'entends. C'est les essais techniques! Non, mais moi là c'est fini. Bon bah alors. On arrête. On peut rien faire si on. 11h56, donc comme mais ça. C'est... Mais c'est rien ça! Rousseau il va prendre. Tu vas quand même pas, tu vas pas te faire avoir par un petit Larsen! Attends, t'es plus fort que ça, GG, merde! Alors dernière question! Ah bon? Pas. Fais-le exprès toi! Bah attends, c'est pas moi qui fais la technique hein! Ils sont là-bas, ils sont rue Bayard, j'y peux rien. Hein. Dernière question. Genre, avant la dernière question, il y a Turpentine sur l'IRC qui te dit que, vu que t'as jamais joué à la Game Boy, elle va t'envoyer une Game Goal. Une Gogol. Ah bah c'est bien. Une Game Goal. Une Gogol 64. Ouais. Bon, pas ça. Bon, sur Bayard. Avec 64 bits. Tu le veux dans la gueule, là? Tu m'éteins, ça? C'est un quoi? Gogol 9-4. Viens vérifier, c'est un truc d'allumé. Alors, attendez deux secondes. Gérard va vérifier, c'est un truc d'allumé. Ah ouais. Ça, tu sais ce que c'est? C'est le micro. Ça, qu'est-ce que tu veux que j'allume ou que j'éteigne? Si t'allumes... Tu comprends pas, hein? Ah, Gérard. Non, c'est terminé. Ah bah attends, t'as posé trois pauvres questions, c'est quoi ouais, c'est clair, c'est quoi ce débat? C'est pas un débat. Fermez vos gueules. S'il vous plaît, les auditeurs. Gérard va poser la dernière question. D'abord, Gérard, je dois savoir, on est vrai que tu te fais une question, on t'écoute. Gérard. Comment? On t'écoute. Attends, celui qui vient de poser une question, qui dit son nom. Non, je l'ai coupé parce que c'était pas bien. Et en dernière question, avez-vous déjà participé à un championnat de Game Boy? Oui. Oh le mec, tu l'as fait là. C'est quoi ce travail? Mais c'est quoi ce bordel? Genre, il fait de la technique. C'est quoi ces gens? Et la laine avec le micro? Vous répondez, alors qui répond à la question, Gilles? Monica. Je vais être brève, hein, GG. Non, j'ai jamais participé à des championnats de Game Boy. D'accord. Gérard, et tu crois que c'est intéressant ou pas? Hein, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ouais, sur IRC, on me dit que sur Street Fighter 2, pour avoir les turbos 10 étoiles, faut faire bas R-O-L-Y-B-X-A. C'est pas vrai, faut les lancer des petits lancers. T'as oublié R2, hein. R2, voilà. Bon, enfin bref. Je parlais du 2. Du 2, pas du alpha machin. Du alpha beta, ouais. Des bullgun. Ouais. Non, moi j'ai jamais participé à un championnat de Game Boy. Par contre, j'ai gagné un championnat de t-shirt mouillé. D'accord. Où? Où? À la mer. Ouais. Paul Phoenix. Ouais, j'ai jamais participé de ma vie à un truc qui a fait. Bon, conclusion, y a plus de questions. Laisse-moi répondre. Gérard, je voudrais répondre. Vas-y. En fait, je comprends pas pourquoi toutes ces questions tournent autour de la Game Boy. J'ai jamais participé à de championnat de Game Boy. Et je voudrais qu'on réhabilite ce soir la Master System. Non, ah, mais ouais. Maintenant c'est fini. Mais non, la console Atari, laisse tomber. Non, mais la Master System. Conclusion. Je peux conclure, Gérard? Ouais. C'est Link. Ouais. Je voulais d'abord dire que c'était un débat un peu moins intéressant que le premier, mais qu'il y avait quand même, on a quand même appris des choses. On a beaucoup appris sur les jeux vidéo. Et je voudrais aussi. Tu peux me dire ce que t'as appris sur les jeux vidéo. J'ai appris que Gérard maîtrisait parfaitement le vocabulaire du jeu vidéo et que c'était toutes les nouveautés. D'accord. Et j'ai appris également que mon jeu allait sortir demain. Tu sors demain, Link, quoi? Ouais, je sors, ouais. Voilà, ouais. Ah, c'est de la belle. Conclusion! Conclusion! Je vais parler, moi! Il disait la plénitude n'est que ce que l'homme recherche. Ok, bon, Gérard. Ouais. C'est qui? Paul Phoenix. Ok. Bah, je vais conclure en disant Game Over. Et aussi, je vais donner un petit tips pour le jeu Super Dog Mister 3. Pour buter le boss de fin, faut lui envoyer des petits kiffs puants dans la gueule et ça marche à tous les coups. Bravo Manu. Merci Manu. Merci. Qu'est-ce qu'il nous reste? GG, c'est le fantôme glouton. Ouais. Alors en conclusion, je vais dire, je suis déçu parce que t'as pas posé beaucoup de questions. Et je voulais dire que sur les jeux vidéo, est-ce que c'est vrai que toi t'es comme la Nintendo 64, c'est-à-dire 64 bits par minute? Alors moi je t'en merde. Bah attends, voilà. Je te demande, je m'en rends compte. Super Mario. Bah la conclusion, moi il y a un pote qui m'avait dit que tes débats étaient nuls, mais bon en fait non, c'est pas vraiment nul, c'est carrément pourri quoi. Mais bon, c'est pas grave quoi. Mm-hmm. Paul Phoenix. Ouais, bah, pour en faire une deuxième, hein, pendant qu'on y est. j'ai pas trop quoi dire, moi, j'ai tout balancé, donc, Un autre tips, non? Bon, ok, Bubblegum. Ouais, bah, moi, je voudrais dire que j'aimerais bien que tu fasses partie d'un des personnages de Street Fighter, comme ça, je pourrais t'emparner ta gueule. Bah, moi, je t'emmerde, connasse. Monica. Bah, moi, je voulais dire que je me suis pas senti trop concernée par ce débat. Mais je voulais dire que si un auditeur se m'appelle, il n'y a pas de problème. Sale pute. Ok. Connasse. Ok, bah c'est bien. Rigo, conclusion sur... Elle jouait à Insultator 3. Conclusion. Alors, conclusion de l'IRC, il y a Turpentine qui dit que ton débat, il avait ni tête comme toi. Il y a, oh là là, parce que ça va trop vite là, entre les mecs qui parlent d'argent ou alors qui n'en ont pas et ceux qui parlent de console, enfin bon là, j'arrive pas à suivre. Il est temps que GG s'achète une console avec son argent de poche en euros pour pouvoir connaître les règles du jeu. Et sinon, si les consoles n'existaient pas, on a quand même GG pour foutre la merde sur RC. Ouais. Et combien de personnes? 12. On en a perdu quand t'as gueulé, ouais, là on est descendu sous les 2000, je préfère pas en parler. Non, bah, ça me fait une belle jambe. C'est lamentable. Donc, conclusion, bah, c'est... Gérard, sinon, il y a le vrai Arnett sur l'IRC en conclusion, il dit que tu pues la merde. Alors, moi, je l'emmerde. Moi, je l'emmerde et j'y suis dans le bec. Oh là là, c'est dégueulasse. Donc, qui me casse pas les couilles. Ben, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Donc, vous allez retrouver Rousseau pour la... Ta conclusion, Gérard, ta conclusion, quand même. Ma conclusion, c'était de la merde parce que tu fous ta merde toutes les semaines, comme d'habitude. D'accord. Manu, pour un sens, ça pouvait aller. Il y en a qu'un qui fait bien son boulot. Il y a que Rigo qui sait travailler. Il n'y a que moi. Il y a que lui. C'est incroyable. Il y a que lui qui arrive à nous faire quelque chose. Donc maintenant, vous allez retrouver Rigo. Attends, j'ai une conclusion sur l'IRC. Deux secondes, Rigo arrive à te donner du plaisir. Hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? Toi, t'es vraiment un PD, hein. C'est tout ce que j'ai à te dire. Il te fait quelque chose. Non, mais attends, il y a que lui qui pèse bien son boulot. C'est vrai. Et il y a Ziwi sur l'IRC qui conclut en disant que les jeux vidéo, c'est beau et que GG, t'es à chier. Ben, c'est bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, la semaine prochaine, les débats, on ne sait pas. Non, mais Fildar, quand tu auras fini tes conneries, tu me le diras. Hein? Donc, maintenant, vous allez retrouver Rigo pour la nuit sans pub. 6h, 9h, Max. Je vais faire la nuit sans pub. Ouais, c'est moi, là, je fais la nuit sans pub. Rousseau, pardon, pas Rigo, qu'est-ce que je dis? Rousseau pour la nuit sans pub. Demain matin, 6h, 9h, Max. Et après, Merde! Eh ben, la grille antenne, elle est belle. Tu fais quelle heure, toi? Tu fais le décrochage local, non? Oh là là. Bon, la nuit sans pub, avec Rousseau. Sans puits, il n'y a pas de pluie cette nuit. Gérard, il y a quand même une conclusion du vrai Mulder des X-Files. Il dit qu'il aurait mieux fait de jouer à sa console que d'écouter ton débat de merde. Eh ben, qui fait ce qu'il veut. Merci, Rigo, tu nous donnes du plaisir. Alors, vraiment. Je vais t'en donner du plaisir, toi. Vraiment, donc, là, vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub. Ouais. 6h, 9h, ouais. Bart. Ouais. Et 22h, Max, ouais. Pour la libre antenne, ouais. Avec Jean Denebert. Ouais. Donc, vous pouvez appeler. Appelez dès maintenant pour la... Manu reste jusqu'à 6h. Pour la libre antenne, donc, de demain soir. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, si tout va. On a le temps. Je voulais juste dire à tous les auditeurs qui voudraient encore aller sur l'IRC, il y a Sandy qui vous attend, la vraie. Non. Sandy, elle m'attendra à la maison. Regarde. Bon, ouais, bonne nuit, Gérard. Le disque pour se quitter, tu connais pas? Ah non. Jim Tonic, tu connais? C'est le truc pour danser. 1, 2, 3, 4. Non. Tu connais pas?